Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 22 juin 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé mercredi 23 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir, c'est Martin Pelletier pour le Libre Journal de la Liberté Surveillée. Deuxième partie, le Club de la Presse, avec ce soir Charlotte Dornelas, bonsoir. Bonsoir. Et Jérôme Bourbon, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, avant de commencer, je vais apurer le compte du début de l'émission. On me dit que dans l'Ancien Testament, on extermine au nom de nombreux textes impurs, ainsi que leurs animaux. Je n'ai jamais cité sur Radio Courtoisie malgré les messages. Eh bien, c'est fait. Je ne vois pas tellement l'intérêt, mais c'est fait. Voilà. Alors, Oklos. Ah oui, c'était pour tout à l'heure. Je ne savais pas ce que ça voulait dire que l'ococratie. Eh bien, voilà, on me le dit. Oklos veut dire plèbe. Donc, l'ococratie veut dire gouvernement par la populace. Eh bien, nous voilà bien. Alors, de quoi va-t-on parler ce soir? Bon, on va parler de l'actualité. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'actualité? Il y a peut-être la loi, on va commencer par le plus bête, la loi de travail et ses suites. Indigné, nuit debout, insoumis, faut-il interdire les manifestations, Charlotte? Il ne faut certainement pas interdire les manifestations. Pourquoi c'est pas raisonnable, comme l'a dit notre président Voilà, pour une fois que je suis d'accord avec Nicolas Sarkozy. Non, mais c'est quand même une démission aussi de l'État que de dire, après des dizaines et des dizaines, non, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas plusieurs manifestations qui sont terminées avec énormément de casse, de dire tout d'un coup on va l'interdire pour empêcher la casse. Et normalement l'État devrait être capable, et d'ailleurs on sait très bien que les forces de l'ordre sont capables d'empêcher cette casse. Ils ont eu l'ordre de pas le faire et de pas intervenir, c'est évident, puisque moi je l'ai vu de mes yeux, hein, quand la police a l'ordre d'intervenir, en 10 minutes c'est réglé. Donc ils ont laissé des casseurs pourrir ces manifestations. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire, on a été suffisamment vexés je trouve pas le mot exact, mais pendant les manifs pour tous, de se faire assimiler à effectivement plusieurs personnes qui mettaient le Bronx en fin de manifestation, pour reconnaître que là encore, étant donné ces manifestations sont massives, quoi qu'on pense par ailleurs des revendications qui sont d'ailleurs parfaitement floues. Ces manifestations sont massives et les casseurs ne sont qu'une minorité. Une minorité qu'il faut empêcher d'agir, ça c'est certain. Mais en revanche, empêcher la manifestation et en plus que l'empêchement de manifester vienne de démocrates assumés qui nous parle de démocratie 22 heures par jour, c'est un peu incompréhensible. Donc vous voulez dire que Manuel Valls est un provocateur qui, en ne réagissant pas tout de suite, laisse développer le Machin. Manuel Valls, c'est beaucoup d'autres. Et ensuite, pour faire semblant d'être un costaud. C'est pas Manuel Valls qui a pris la décision. La décision, on l'a su, a été prise dans le bureau de François Hollande. Alors, est-ce que c'est pas de la magouille interne au sein du Parti Socialiste, effectivement, pour mettre notamment Manuel Valls dans l'embarras? C'est pas impossible non plus. On est à un an d'élections qui sont quand même déterminantes et on sait qu'au Parti Socialiste, comme dans tous les partis d'ailleurs, c'est un peu l'auberge espagnole. Donc, c'est possible que ce soit fait. Enfin, bon, après, je lis pas dans les consciences, donc je sais pas pourquoi ils ont pris cette décision. Ce qui est certain, c'est que dans toutes les manifestations, et là, ça n'appartient pas qu'à Manuel Valls, dans toutes les manifestations qui par principe sont contre le gouvernement en place, le gouvernement en place va chercher à discréditer ces manifestations, c'est pas nouveau. Bien, je constate d'abord que lorsqu'il y a des manifestations de gauche, c'est quand même une constance historique, elles s'accompagnent toujours de violences, de casses, de pillages, comme quoi la gauche draine de manière automatique, systématique, je dirais presque idéologique, le désordre, la chienlit. Parce que je me souviens par exemple il y a une trentaine d'années, lors des manifestations contre la loi de Vaquet qui voulait proposer une sélection à l'entrée des universités, non pas par l'argent mais par le mérite, donc une loi qui allait plutôt dans le bon sens pour le coup, et qui n'a jamais vu le jour, eh bien, il y avait eu des manifestations extrêmement violentes. Et il me souvient que à chaque fois qu'il y a des défilés syndicaux, des défilés politiques de la gauche et de l'extrême gauche, eh bien, il faut bien reconnaître que elles s'accompagnent toujours de violences dont on dit, pour essayer d'excuser les organisateurs, que ce sont des éléments perturbateurs étrangers au défilé. C'est faux. Hein. En général, ce sont quand même des gens du défilé, même s'ils peuvent être parfois un peu en marge. Et je dois dire que présent, on ne l'a pas vu du tout. En revanche, on ne le voit jamais quand ce sont des gens de droite qui défilent. J'en veux pour preuve les manifestations en 1984 pour la défense de l'école libre, ou plus récemment, les manifestations en 2012 et 2013 contre le prétendu mariage homosexuel. Et donc, moi, je crois, je suis de ceux qui pensent que la droite, ça existe, la gauche, ça existe. Non pas au niveau de l'hémicycle politique qui a peu d'importance et qui n'a plus tellement de sens aujourd'hui, mais d'un point de vue philosophique, ontologique, ce sont des notions qui existent. Et moi, j'ai souvenance, lorsque j'étais étudiant, j'étais à la fac de lettres, moi, je constate que les gauchistes, outre qu'ils fussent débraillés, ils étaient toujours à faire la grève, ce qui fait que parfois, pendant des semaines entières, je me rappelle, à la faculté des lettres de Besançon, on ne pouvait même pas accéder à l'université parce que le problème de ces grévistes, c'est qu'ils empêchent les gens qui voudraient travailler et étudier de le faire, tant les étudiants que le personnel enseignant. Et je dois dire que depuis ma plus jeune enfance, j'ai toujours une détestation de la gauche. Parce que j'ai constaté qu'en général, c'est toujours les crasseux, les paresseux, les parasites. Et je dois dire qu'il n'y a rien de plus haïssable que la gauche. La gauche, c'est la maladie mentale. Ouais. D'ailleurs, être de gauche, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, même dans le vocabulaire, tout ce qui est à droite est connoté positivement. D'ailleurs, je rappelle que dans l'Évangile, chapitre 24 de Saint Matthieu, eh bien, il y aura les brebis qui seront à droite, qui seront sauvées, qui seront au paradis, et les boucs qui seront en enfer, qui sont à gauche. Et d'ailleurs, quand on dit quelqu'un qu'il est gauche, c'est qu'il est maladroit. En revanche, tout ce qui est droite, lié à la dextérité, eh bien, est connoté positivement, et je crois que c'est une bonne chose. Ne dit-on pas également du Christ qui était à la droite du Père depuis l'Ascension. Et les gens sinistres. Par conséquent, je suis de droite jusqu'au bout des ongles. Voilà. Et je dois dire que Radio Courtoisie, qui sonore d'être la radio de toutes les droites, eh bien, c'est quelque chose de très positif. Et à un moment donné, on avait honte de se dire de droite. Moi, je le revendique haut et fort. Très bien. Ouais. Alors, la question que je pose à tous les deux... Je voudrais juste réagir à tout. Parole, hein. Est-ce que vous croyez, par exemple, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que la CGT a donné la main aux casseurs ? Et puis répondez peut-être aussi d'abord. Non, mais en fait, c'est pour répondre à cette question. Je ne dis pas que tous ceux qui cassent sont extérieurs à la manifestation. Je dis en revanche que tous ceux qui manifestent ne sont pas des casseurs. Je pense que dire simplement que la violence existe que à gauche, c'est quand même... Elle est consubstantielle à la gauche, quand même. Ça peut être que toutes les manifestations de gauche s'accompagnent de violence. En revanche, on a quand même des groupes à droite et à l'extrême droite. Bon, j'ai pas envie de me faire taper dessus, mais ce qu'on appelle en tout cas communément... Ce qu'on appelle communément l'extrême droite, il y a aussi des gens violents, soyons quand même honnêtes. Je pense que ça fait aussi partie d'un âge, et à partir du moment où on manifeste, très rapidement, on se fait... Et à la limite, voilà... Quand je vois pas de violence d'extrême droite, moi, en France, ces dernières années, dans les manifestations, j'en vois pas. Rien que dans les affrontements entre mouvements d'extrême gauche et d'extrême droite, il y a de la violence. Je suis désolé, je l'ai vu dans des milliers 70, de fois. Bon, effectivement, ça c'était du temps de Madeleine. C'est notre époque. Bon, et c'est souvent la gauche qui était les premiers à attaquer. C'était de l'autodéfense, ça peut si j'ose dire. Oui, bon. Un petit peu facile. Et par ailleurs, dire que voilà, les brebis sont à la droite et les boucs à la gauche, oui. Je précise simplement qu'on nous a dit aussi qu'à nous qui avons beaucoup reçu, il nous serait beaucoup demandé. Il n'en sera pas demandé autant aux personnes qui n'ont pas assez reçu. Elles ont toute leur place au paradis. Dans la mesure où elles auront fait le bien, mais je pense qu'il est parfaitement possible de faire aussi bien le bien à gauche qu'à droite. C'est pas une question politique d'abord. Non, mais c'était une comparaison, mais disons qu'un petit peu, facétieuse. Mais il est certain que vous avez tous les deux raison. Historiquement, la droite c'est le bon sens, la gauche c'est l'horreur. Quoi. Alors à propos de la casse et de l'attitude des forces de l'ordre et plus généralement qui en fait et du gouvernement, il semblerait bien que les policiers ne sont pas très contents de François Hollande et de Manuel Valls. D'abord, il y a cette histoire du policier qui refuse de serrer la main. Et puis, il y a celui aussi de celui qui dit qu'on sait très bien, à propos du meurtre des deux policiers, enfin du policier de sa campagne, celui qui a dit qu'on savait très bien qui étaient les gens dangereux, qu'ils étaient fichés, qu'on savait comment les intercepter, et qu'il n'y avait pas d'ordre. Alors, que pensez-vous de tout ça, l'un et l'autre ? Alors, Charlotte, commencez. Évidemment que les policiers ne sont pas contents. On sait très bien ce que, majoritairement, ils votent, et notamment Front National. On le sait, ils sont pas contents, ils détestent le pouvoir en place, etc. Je pense qu'après, il y a je sais pas, deux écueils à éviter, c'est que bien sûr que les ordres ne sont pas donnés, les personnes dangereuses, on les connaît, à chaque fois on le sait, c'est des gens fichés, etc. Donc c'est une réalité pour vous. Il a raison de le dire. Que, bien sûr qu'il a raison de le dire, mais là c'est un constat en fait, c'est même pas est-ce qu'il a raison de le dire ou pas, il fait un constat. Moi c'est la question que je pose. Oui, mais ils font un constat, ils sont plusieurs hein, les policiers à dire effectivement on a des listes, notamment quand l'état d'urgence a été déclaré après l'attentat en novembre dernier, où ils disaient bah tout à coup en fait qu'est-ce qu'on a pris puisqu'on n'avait plus besoin, enfin il n'y avait pas de limite dans les perquisitions, on a pris la liste des gens qu'on avait depuis des années, et puis on a été perquisitionné tout. Alors bien sûr la question qui suit c'est est-ce que dans le prolongement de l'état d'urgence, et je me suis déjà exprimée plusieurs fois à ce sujet, à ce micro, c'est la porte ouverte à tous les débordements, notamment du gouvernement. Ensuite, le deuxième écueil à éviter, c'est de demander en permanence aux policiers d'être autre chose que ce qu'ils sont intrinsèquement par leur métier, c'est-à-dire des gens qui obéissent à des ordres. Donc eux-mêmes, quand moi, un policier refuse de serrer la main de Manuel Valls, alors on peut en faire un héros, hein, bien sûr, je comprends qu'il refuse de serrer la main à celui qui a trahi, à celui par qui... des islamistes ont été laissés en liberté, peut-être celui par qui, et encore le raccourci à mon avis un peu dangereux, et j'aimerais pas avoir à le subir, celui par qui ses collègues ont été assassinés. Il n'empêche que c'est quand même un homme qui s'est engagé pour obéir et qui refuse de serrer la main à son chef. Donc ça veut dire que c'est quoi les limites? Ça veut dire que on accepte, moi demain je suis au pouvoir et les policiers refusent d'obéir à mes ordres, refusent de me serrer la main, je le prends mal. Donc en fait, on reproche aux policiers de ne pas poser leur bouclier, de ne pas accepter d'obéir aux ordres, etc. Mais c'est pas leur métier. Dans ces cas-là, il faut s'adresser aux gens qui donnent les ordres précisément. Et il faut reconnaître aussi que dans une démocratie, celui qui donne l'ordre, enfin la légitimité vient de celui qui a été choisi par la majorité. Donc en fait, quand on râle sur la police, c'est la démocratie qu'il faut remettre en cause. Voilà. Mais je m'étonne qu'on reproche à des policiers de ne pas obéir aux ordres, puisqu'on reproche aux policiers d'avoir obéi aux ordres de l'occupant et du régime de Vichy pendant la guerre. Donc, il faudrait savoir. Donc, dans certains cas, il y a une désobéissance qui serait non seulement légitime, mais même nécessaire, puisqu'on reproche aux gens d'avoir été complices actifs de, je cite, des crimes contre l'humanité, vraiment les guillemets. Alors qu'en revanche, eh bien, là, pour le coup, eh bien, on ne pourrait pas de tout d'un coup désobéir à des gens aussi détestables que Valls ou Hollande. Bon, après tout, moi je crois précisément que si on est dans la situation dans laquelle on est, c'est précisément parce qu'on obéit trop, en quelque sorte, et qu'on ne se révolte pas assez. Même si c'est un geste qui ne va pas très loin, personnellement je trouve plutôt sympathique. Je ne le trouve pas sympathique, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. On a tellement affaire à des canailles qui nous gouvernent à tout point de vue, qui sont là pour nous détruire, qui détruisent la famille, qui détruisent la patrie, qui détruisent l'armée, qui détruisent les corps intermédiaires, et qui font le jeu du mondialisme. Par conséquent, mais là, c'est une vraie question. Est-ce que l'autorité doit être respectée? Oui. Est-ce qu'il y a encore une autorité légitime en France? C'est la question que vous posez tous les deux. Mais c'est même la question à laquelle je réponds. C'est-à-dire que... Non, mais... Pardon, en toute humilité. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui gouvernent précisément seront toujours les canailles de quelqu'un dans le pays. Donc ça veut dire quoi? Qu'on encourage les policiers à agir selon leurs convictions à eux. Mais c'est hyper dangereux. Ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais d'ordre dans un pays, première chose. Deuxième chose, c'est pour ça que je dis que ce qu'il faut remettre en cause, c'est la légitimité des ordres, et que précisément dans le cadre actuel et dans le système actuel, on ne peut pas remettre en cause cette légitimité, puisque dans la démocratie moderne, même dans ses principes, on ne considère légitime que ce qui est élu par la majorité, ou en tout cas la majorité exprimée, parce que je ne dis pas que la majorité soutient aujourd'hui Manuel Valls, mais en tout cas, il a été élu... Mais il y a des principes transcendants qu'il faut défendre, et présent lorsque des policiers, d'ailleurs blancs qui plus est, de souche, se sont pris sauvagement à des manifestants qui défilaient pacifiquement lors de la loi contre le mariage pour tous, eh bien, il me semble que, certes, ils ont obéi aux ordres, ça c'est certain, ils ont obéi aux ordres légaux qui leur étaient donnés par leur supérieur hiérarchique, mais ont-ils fait leur devoir en conscience et devant Dieu? Je ne le crois pas. Donc, à ma gauche, il y a comment ça s'appelle, Charlotte, qui joue le rôle de Créon, et vous, Jérôme Antigone. Ah, j'aime la figure d'Antigone. Ça, c'est vraiment pas sympa. Précisément, je me fais pas l'avocat, je ne me fais pas Créon. Je dis précisément que la démocratie moderne, par nature, assassine Antigone. C'est simplement ça que j'explique. Je dis pas que c'est bien ou que c'est moral ou je me situe pas sur ce terrain-là. Je me dis juste qu'il faut arrêter de perdre du temps à demander aux gens de faire ce qu'ils ne sont pas précisément. Ouais, je vais vous attaquer par le biais d'un auditeur. N'en déplaise à Charlotte Dornelas, les policiers votent majoritairement à gauche. Est-ce exact? Alors peut-être dans les cadres, mais dans les policiers de terrain. Les cadres sont tous francs-maçons. À partir de commissaires. Je ne sais pas. Mais... et des francs-maçons, il y en a beaucoup qui votent à droite. Mais bien sûr. Chose. Et deuxième chose, sur le terrain, et on le sait, à chaque fois, dans les endroits où il y a beaucoup de policiers, en tout cas, le vote Front National est majoritaire. Mais bon, à la limite, peu importe qui vote, ce n'était pas tellement la substance de mon. En tout cas, moi, je dois dire que lorsque on me convoque rue du Château des Rentiers pour des procédures engagées par le ministère de l'Intérieur et de la Justice, pour des articles ou parfois des tweets jugés comme passibles, coupable d'incitation à la haine raciale ou de contestation de crimes contre l'humanité, par exemple, eh bien, je dois dire que je trouve que les policiers, qu'ils soient des hommes ou des femmes, sont extrêmement zélés à faire leur travail ne manifestent, aucune réticence à appliquer les ordres qui leur sont donnés. Il est vrai que c'est plus facile d'interroger un journaliste, qui en général se montre courtois à leur égard, plutôt que, dans des banlieues avec une population qui pourrait être parfois un peu plus récalcitrante. Bon, de la même façon qu'il est plus facile de s'en prendre à des automobilistes qui ont roulé à 120 au lieu de 130, plutôt que d'en s'en prendre à des malfrats qui ou à des cambrioleurs. Trop doucement alors, parce que là vous avez... J'ai dit 120 au lieu de 110, Voilà. Et donc, parce que ça aussi, ce matraquage des automobilistes, qui sont le souffre-douleur et la vache de l'État, eh bien, c'est quelque chose d'insupportable. À un point tel, d'ailleurs, que maintenant, non seulement il y a de plus en plus de radars, et même maintenant, on met des radars qui calculent la vitesse moyenne que l'on a fait sur tout un itinéraire. C'est des radars tronçons, ça s'appelle. C'est vraiment. Vous n'êtes pas encore fait avoir par ça. Mais attendez, hallucinant. Je crois que Charles. Non, mais juste, encore une fois, là, précisément, dans tout ce que vous décrivez, c'est pas à la police qu'il faut le reprocher. La police n'est pas particulièrement, je crois, gentille ou courtoise avec la racaille qu'elle va chercher en cité. C'est simplement que si elle n'est pas en cité, c'est parce qu'on ne lui donne pas l'ordre d'aller en cité. On en revient toujours à mon constat de départ. C'est-à-dire que les policiers obéissent, quoi. Sans D'accord. doute, mais il y a un zèle parfois de... Alors, je crois que vous avez développé les arguments les meilleurs, tous les deux, sur cette question. Et il est 19h47, c'est l'heure de rappeler que nous sommes sur Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée. En deuxième partie, le Club de la Presse avec Charlotte Dornelas et Jérôme Bourbon, et je dois lire quelques questions ou quelques observations. Monsieur Bourbon, vous avez dit que la gauche est affreuse. Pourtant, en 2005, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts de la part de la droite. Je voudrais comprendre. Temps, Monsieur Bourbon, j'ai cru m'entendre quand vous avez parlé dans votre tirade droite et gauche. Alors, allez. Comment ? Deux minutes. Mais sur 2005, de quoi s'agit-il ? En 2005, la droite était la droite. J'entends la droite, je ne parle pas de la droite parlementaire. Je parle de la droite philosophique et ceux qui sont situés à droite du roi au moment de la Révolution française. Sarkozy et Villepin. Voilà, j'ai dit explicitement qu'il n'était pas une question de positionnement dans l'hémicycle parlementaire. Nous ne sommes plus en démocratie. Une dimension philosophique. Oui, pardon. Nous, ceux qui sont au pouvoir sont illégitimes, cela Mais vient d'être nous dit. Nous sommes précisément au bout de la démocratie. Au bout du bout. Oui, il faut relire simplement les préceptes de la démocratie. Au tout début, n'est légitime que ce qui est issu de la majorité du peuple qui s'est prononcé. De ce qui était lu dans la Déclaration des droits de l'homme. De ce qui était lu. Bien sûr, donc je suis désolée, Manuel Valls et François Hollande ont bien été élus, sans triche. Pas Valls, mais Hollande. Alors, maintenant on va quitter ce sujet. Qui est trop. Et on va parler des primaires. Les primaires. Ouais. Est-ce que vous êtes pour les primaires à gauche et à droite ? Alors, comment s'appelle-t-il, Daniel Cohn-Bendit a dit que Mélenchon était une poule mouillée. Vous êtes d'accord avec ça ? Franchement, je ne sais pas si c'est à moi que vous posez la question, mais à tout le monde, que Mélenchon ait beaucoup de défauts, ça je peux le rejoindre, qu'il soit une poule mouillée, courageux, je ne sais pas, mais en tout cas, il dit les choses, et notamment, bon, alors je vais prendre un sujet qui me tient un peu à cœur, vous le savez, sur la Syrie, il a clairement eu une parole courageuse, je crois, depuis longtemps, assez tôt dans le conflit. J'ai beaucoup de désaccords avec Jean-Luc Mélenchon, mais je ne lui reprocherai pas d'être une poule mouillée, ça c'est clair que non. Non mais l'idée que Cohn-Bendit était qu'il était une poule mouillée parce qu'il n'osait pas affronter Hollande pour vraiment gagner... Il a critiqué Hollande comme personne ne l'a fait, comme Cohn-Bendit ne l'a jamais aller fait vraiment Non mais c'est sûr qu'il n'ira jamais à la rupture pour des intérêts électoraux, c'est-à-dire qu'au nom de ce qu'on appelle à gauche la discipline républicaine, au second tour ils désisteront toujours pour le candidat de gauche le mieux placé, et donc c'est sûr qu'au deuxième tour, s'il y avait un candidat socialiste, il appellera à voter pour lui contre le candidat qui serait en face de lui, c'est évident. Si c'est encore François Hollande, je ne mettrai pas ma main à couper. Et alors, à droite, est-ce que ce sont des poules mouillées ou des imbéciles ou quoi ? D'abord, pour répondre à votre question sur les primaires, parce que oui, mais c'est ça. Je pense que d'un point de vue institutionnelle. Il me semble que cette généralisation des primaires à gauche puis à droite de l'échiquier politique me paraît poser un problème de fond. D'abord parce que la primaire, en principe, dans la constitution de la Ve République, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Et il me paraît extrêmement fâcheux de créer une forme de troisième tour. D'ailleurs, on peut constater que c'est en France que l'on vote le plus, parce que par exemple, lorsque Mme Merkel a gagné les élections, un seul tour lui a suffi. Pour gagner en France, il faut gagner le premier tour des élections présidentielles, le second tour des élections présidentielles, le premier tour des élections législatives et le second tour des élections législatives. Il faut gagner 4 élections, bon, et même 5 maintenant avec les primaires, bon, ce qui paraît quand même abusif. D'abord sur un plan financier, puisque évidemment tout ça coûte très cher, c'est un temps et une énergie gaspillée, et par ailleurs, il me paraît que cela crée un déséquilibre entre les candidats qui se soumettent à ces primaires, ceux qui ne se soumettent pas. Dans un premier temps, il s'agissait de primaires qui étaient limitées aux adhérents à jour de cotisation du parti politique dont il était question. Maintenant, on l'ouvre de manière très générale à des électeurs se réclamant soit de la gauche, soit de la droite modérée. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que les Français aient de ce point de vue-là la même attitude que les Américains, qui n'hésitent pas à se dire ou démocrate ou républicain et à participer à des primaires. On voit très bien qu'il y a une américanisation de la société française de ce côté-là. Jérôme, est-ce que ce n'est pas simplement une volonté d'en finir avec la Ve République, puisque vous avez d'une façon qui se rejoint la proposition de François Hollande de supprimer le Premier ministre. Donc c'est vraiment l'alignement sur le système américain. Oui, alors que Jean-Claude Martinez lui propose au contraire dans son livre La République des maires, il est venu récemment à Radio Courtoisie, de supprimer, c'est une idée d'ailleurs ancienne qu'il développe, de supprimer l'élection présidentielle au suffrage universel direct, oui, dont il dit à juste titre qu'il favorise des écuries présidentielles au détriment du débat d'idées. Et c'est vrai que maintenant, en plus avec la médiatisation, ça n'est plus que la forme qui l'emporte c'est sur Martinez le fond. C'est Martinez qui dit ça. C'est pas la question. La question c'est la réponse. Est-ce que tout... Oui, c'est la réponse, on disait Marchais. La question est-ce qu'il n'y a pas un mouvement général pour aligner les institutions françaises sur les institutions américaines. Il n'est pas douteux qu'il y ait une américanisation de la vie politique, qui n'est d'ailleurs pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, l'américanisation, je dirais, de la société plus généralement en France, elle date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est évident. Mais elle s'est accélérée considérablement. Ce qui prouve d'ailleurs, soit dit en passant, que l'Union européenne, dont on nous disait que c'était une façon de construire une Europe qui serait indépendante et puissante, indépendante du bloc américain, il n'en est rien. Bien au contraire, on sait très bien qu'elle est complètement soumise, y compris d'ailleurs en politique étrangère, et même sur le plan commercial, économique, au diktat de l'oncle Sam. Donc vous confirmez, et vous, Charlotte, cette analyse, vous vous moquez absolument de l'américanisation de nos institutions. Non, vous en foutez. C'est-à-dire qu'il y a une américanisation... C'est pas sympa. Une américanisation un peu de tout, oui, je sais pas, oui. Un peu de tout. Hein. Mais en particulier les institutions. La primaire, c'est tout à fait contraire à l'esprit du gaullisme, c'est tout à fait contraire à l'esprit de ce qui a présidé à la création justement de l'élection au suffrage universel. Remarquez que déjà le référendum de 62 qui a introduit l'élection du président de la République au suffrage universel direct, d'après beaucoup de constitutionnalistes, je crois, disent à juste titre, que ça déséquilibrait complètement le texte initial de la Constitution du 4 octobre 58, oui. Qui justement... C'est l'opinion de Gaston de Monnerville qui disait c'est une forfaiture. Oui, c'est un bon vieux franc-maçon. Il ne voulait pas que les élites, entre guillemets, perdent... L'idée de Gaulle était de soustraire l'élection aux partis. Actuellement, justement, il n'y a que les partis. Mais c'est le contraire qui s'est produit. C'est le contraire qui s'est produit avec l'élection présidentielle. Précisément dans les... Alors, je ne vais pas parler... Au fait que là, notamment dans les primaires, il n'y a que les partis. Pas tant que ça, finalement, puisque... De toute façon, le système est partisan dans ses moindres détails. D'accord. Mais il n'empêche que quand vous voyez la primaire de droite, la primaire de gauche, je serais incapable d'en parler, j'ai pas les connaissances qu'il faut. La primaire de droite, précisément, c'est... En fait, moi, je ne sais pas si j'ai un avis tranché sur, théoriquement, est-ce que les primaires, c'est bien ou c'est pas bien. C'est simplement que je constate, étant donné ce que sont les Républicains aujourd'hui, ou ce qu'est la droite et le centre, puisque ce sont les primaires de la droite et du centre, qu'il y a besoin quand même de définir un chef, peut-être même avant même les élections. Je ne sais pas si ce n'est pas la réalité de ce qu'est devenu le parti des Républicains qui nécessite en fait la primaire. Et quand on voit des candidats comme effectivement une NKM qui n'est pas une, on va dire un étendard de la droite forte, et à côté de ça, un candidat comme Jean-Frédéric Poisson qui n'aurait qu'une chance en passant, enfin, il serait pas choisi comme candidat par la droite telle qu'elle est aujourd'hui, et pourtant il apporte quand même une voix vraiment dissonante et vraiment intéressante au sein de ces primaires-là. Donc, est-ce que c'est pas finalement une bonne chose en sortant du cadre théorique que je vous écoute attentivement, mais j'ai pas la capacité, on va dire, d'en discuter, mais sur le terrain politique tel qu'il est aujourd'hui, ça me semble pas non plus complètement absurde. En fait, ça me semble. Est-ce que c'est pas la nécessité pour que la droite retrouve un chef? Qu'elle n'a plus, clairement, et qu'elle n'a plus depuis très longtemps, en fait. Bon, bah d'abord pour ce que vous disiez, Martin Pelletier, tout à l'heure, De Gaulle voulait peut-être supprimer le régime des partis, mais c'est le contraire qui s'est produit. Jamais les partis n'ont eu autant d'importance que sous la Ve République, et précisément, l'élection présidentielle au suffrage universel direct a donné aux partis une dimension encore plus importante, parce qu'il faut un financement public extrêmement important pour pouvoir être candidat. Sans argent, vous ne pouvez rien faire en démocratie, et surtout aujourd'hui. Et donc, il est évident que quelqu'un pourrait avoir le meilleur programme, les meilleures idées, les meilleures intentions. S'il n'est pas soutenu par une écurie présidentielle, par un parti ayant un financement public, ayant une notoriété, ayant des élus, ayant des réseaux, ayant des relais médiatiques, financiers, culturels, eh bien, il n'a aucune chance, ne serait-ce que déjà d'avoir les 500 signatures et a fortiori de faire un score important et ne parlons même pas d'être élu. Bon. Donc, il est évident que le rôle des partis est beaucoup plus important, plus que jamais, et c'est quelque chose d'ailleurs qui est extrêmement préoccupant parce que ça corsette les idées, ça empêche le débat de s'exprimer, de public de s'exprimer en toute liberté. S'agissant maintenant de la question du chef à droite, eh bien, je pense que c'est l'affaiblissement de Nicolas Sarkozy qui empêcha, parce que ça aurait été le chef naturel de l'UMP et de la droite parlementaire, puisqu'il a quand même été élu assez nettement quand même président de l'UMP en 2004, que c'est probablement objectivement le plus talentueux et de très loin sur le plan de la communication, j'entends. Hein. Je parle pas du fond de ses idées, il a d'ailleurs très peu d'idées, bon, c'est un carriériste. Par certains côtés, c'est un avantage. Mais disons que je dirais que je crois que c'est Jean-Marie Le Pen qui avait confié récemment à la rédaction de Valeurs Actuelles, qui pensait qu'une fois que la campagne serait vraiment animée à l'automne, il les écraserait tous parce qu'il a plus de talent. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je pense qu'il est nettement plus talentueux que tous les autres. C'est évident, malgré les affaires, les casseroles qu'il a. Mais je pense qu'effectivement, parce qu'il est capable, si vous voulez, il y a une dimension affective en politique, ce que d'ailleurs pas très bien compris. C'est l'erreur qu'avait commise d'ailleurs Maigret en s'en prenant à Le Pen, même s'il y a des torts partagés dans l'affaire, mais je veux dire, parce qu'il a sous-estimé la dimension affective des militants, des adhérents vis-à-vis de Le Pen. Et de la même façon, je pense que Marine Le Pen a sous-estimé la dimension affective qu'il y avait vis-à-vis de Jean-Marie Le Pen lorsqu'elle l'a exclue dans les conditions que l'on sait. Bon. Donc il y a une dimension affective dans la vie politique comme dans la vie tout court, et c'est bien naturel. Et donc je pense que Nicolas Sarkozy est plus capable, me semble-t-il, vis-à-vis des sympathisants de l'UMP, de ce qu'on pourrait appeler le peuple de droite, avec tous les guillemets nécessaires, je pense qu'il est plus capable de leur parler parce que, comme le disait Le Pen, il a su trouver les codes, les mots qui sont capables de leur parler, de les séduire. Alors, Charlotte, qu'est-ce que vous préférez, Sarkozy ou Juppé, entre les deux, votre cœur balance mais, ou pas? Je pense que tout le monde se fiche parfaitement de savoir ce que j'en pense entre Juppé et Sarkozy. Le fait est que je préfère quand même un Sarkozy. Et bon, j'ai pas le temps de m'y expliquer là, donc je vais encore recevoir des messages pour expliquer que Nicolas Sarkozy, je ne dis pas qu'il a fait que des choses bien, etc. Mais entre les deux, en tout cas dans le discours, puisque de toute façon on est obligé de ne se fier qu'à ça. Mais justement, par rapport à tout ce que vous dites, moi je pense que j'ai beaucoup moins d'attentes que vous du politique, peut-être, j'en sais rien. Je n'attends pas grand-chose en fait de celui qui sortira et qui prendra les rênes. J'ai été quand même déçue. J'ai une courte vie politique, on va dire, d'observation sur le monde politique, mais je sais pas, ils m'ont déçu très rapidement et j'attends rien de. En revanche, ce que je note avec l'organisation de ces primaires et notamment à droite, c'est que il y a quand même des idées qui sortent, précisément ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des candidats qui sont différents et je pense que de toute façon, on n'impose pas une loi autrement qu'en ayant préparé les consciences avant ou en tout cas en ayant expliqué les choses et que c'est une chance en plus pour nous d'avoir des voix un peu dissonantes cette primaire. Alors je suis peut-être très terre à terre là-dedans. là-dedans, mais dans le débat médiatique précisément, je trouve qu'il y a des voix qui sont entendues, et je recite encore une fois Jean-Frédéric Poisson, on va croire que je suis obsessionnelle, mais c'est vraiment une voix discordante dans ce, qui est, de ce que sont les Républicains depuis longtemps, et c'est une voix qu'on n'aurait pas entendue sans l'organisation de ces primaires. Alors bon, j'essaye de trouver... Mais le problème, c'est que ces gens-là auraient-ils les meilleures intentions du monde? Ils sont complètement noyés. C'était le problème de Villiers, il l'a reconnu récemment, d'ailleurs, lorsqu'il était un petit peu le supplétif, peut-être malgré lui, mais enfin le supplétif du RPR et de l'UDF, parce que même s'il défendait un programme plus à droite, eh bien, par le jeu des appareils, par le rouleau compresseur que constituait le RPR, c'est quelque chose, le RPR. Hein, le RPR du temps de Chirac, c'est un véritable rouleau compresseur quand il se mettait en marche. Je pensais avec la puissance de la mairie de Paris, de tous ces réseaux. Bon, bah, il est bien évident qu'un certain nombre de gens situés plus à droite, qui par exemple ont voulu faire de l'entrisme, ont voulu essayer de conduire plus à droite les directions du RPR-ULF, ont tout échoué. Je rappelle même que lorsque Pasqua et Séguin, sur lesquels il y aurait beaucoup à dire, enfin, qui avaient essayé de réorienter un peu plus à droite le RPR, peu avant d'ailleurs l'affaire de Maastricht en 1990, si vous voulez faire, eh bien, Chirac et Juppé l'avaient quand même emporté, parce qu'il est extrêmement difficile, lorsqu'on ne tient pas un appareil, eh bien, de l'emporter. Parce que cela, lorsque l'on est en place, eh bien, ça donne un certain nombre d'avantages tout à fait considérables. On tient un certain nombre de gens que vous financez, qui sont vos dévoués. Vous pouvez disposer, vous pouvez utiliser les statuts un petit peu comme vous le souhaitez, etc. Donc vous avez quand même beaucoup d'avantages. Bon. Et donc, il me paraît que toute cette volonté qui a existé historiquement d'essayer de réorienter plus à droite les appareils du RPR et de l'UDF, ils ont toujours échoué. C'est précisément ce que je dis. Je ne leur demande pas et je ne demande pas aux voix dissonantes de réorienter un appareil politique, puisque je n'attends rien de ces appareils politiques. Non, rien, je dis simplement que là, on s'adresse à des gens et que moi, je pense que le changement peut venir au contraire de la base, quoi, enfin des consciences. Et de toute façon, c'est ce qu'on me demande. On me demande pas de sauver le monde, on me demande de l'éclairer. Et voilà, donc je pense que ça, c'est possible. En tout cas, c'est rendu possible de fait par la primaire. C'est un fait. Alors, merci, Charlotte. Alors, je vais vous demander une chose, surtout à vous, Jérôme. Vous avez une facilité de parole, et d'ailleurs, vous parlez de choses extrêmement intéressantes, mais n'en profitez pas pour faire de trop longs discours. Parce que ça, c'est des tunnels, c'est pour l'auditeur. Oui, vous avez raison, je vous prie d'excuser. Non, j'ai pas de mal. Surtout que... J'ai déjà dit que je saoulais ma femme. Donc vous êtes... Mais c'est ça, mais votre femme, oui, mais pas les auditeurs, parce qu'ils vous plébiscitent. Ma femme est patiente. Pas toujours. Alors, on va parler de toute autre chose. On va parler de sport. Est-ce que vous avez entendu parler du jaguar brésilien qui a été abattu? Bah oui, j'ai vu ça en venant. Alors, c'est marrant, hein? Mais ce qui est intéressant, pour dire les choses, un jaguar qui vivait pas en liberté, et qui vivait en captivité dans un enclos de l'armée brésilienne, ils ont des zoos, les forces spéciales brésiliennes ont des zoos, c'est pourquoi marrant. Pour s'entraîner à se faire mordre par des jaguars. Ils sont bien entraînés, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, non. Non, je ne sais pas pourquoi. Mais alors, il a participé au défilé, donc quand la flamme est passée dans le zoo, et puis après, ils l'ont abattu. Parce qu'il s'est enfui et on lui a envoyé des fléchettes empoisonnées et ça n'a pas suffi. Il était vraiment très, très remonté, ce jaguar. Et il a commencé à mordre, justement, son instructeur. Ils l'ont abattu parce qu'il tentait de s'enfuir, parce qu'il posait problème. Ouais, il peut poser problème. Ils ont demandé, le colonel a fait c'est ça qui est intéressant, c'est pas le jaguar. Le colonel a présenté ses excuses. Mais je pensais que c'était une offrande, moi. Le colonel a présenté ses excuses et dit qu'il avait eu une erreur. Et le président du comité, enfin le porte-parole du comité olympique de l'organisation des Jeux, a également présenté ses excuses. En disant que c'est une erreur, une erreur qui n'était pas seulement le fait d'abattre ce jaguar, mais le fait d'avoir montré... à côté de la flamme olympique qui symbolise la paix, la liberté, un jaguar en laisse. Et ça, c'est très grave. Et d'ailleurs, l'autorité environnementale de l'État de l'Amazonas, qui est l'État de Manaus, dans le nord-est, dans le nord simplement, du Brésil, a également fait une admonestation aux gens du CIO, leur demandant qu'ils auraient dû demander l'autorisation. À l'autorité environnementale d'exhiber un jaguar en laisse, parce que c'est contraire à finalement à la bonne conduite et aux politiquement correctes. Moi, je trouve ça très bien. Ce sont des petits faits qui sont significatifs. Mais oui, mais c'est aussi significatif qu'à force de faire des animaux, des hommes comme les autres, sur qui on s'apitoie de la même manière, d'ailleurs pas de la même manière, encore plus qu'on ne s'apitoierait sur le sort d'un homme, on a des sondages qui nous disent que les Français sont aussi pour le retour de la torture. Un Français sur cinq est pour le retour de la torture et personne ne trouve rien à redire. On ferait la même chose avec des chatons et tout le monde hurlerait au scandale. Avec des jaguars, ce serait horrible. Avec des jaguars, ce serait abominable. On ne va pas se mettre à torturer des jaguars en plein 21e siècle, enfin Charlotte. Voilà. Et par contre, des hommes, pourquoi pas ? Ben oui. Voilà. Ben oui, parce que les hommes sont méchants. Plus je connais les hommes, plus j'aime les jaguars. Alors que les jaguars sont jamais méchants avec les hommes, on le sait bien. En tout cas, ils ne font pas de ils c'est pas gratuit. Alors, oui, mais surtout, ils vont pas à Orlando tirer sur tout le monde. Non, mais ça, c'est vrai. Mais ça, c'est quand même extraordinaire. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette tuerie d'Orlando ? Est-ce que j'en pense ? Oui. C'est abominable. Mais c'est abominable, oui, mais ça, c'est bien court. Abominable. Bah non, mais c'est une énième manifestation des conséquences. Oh là là, elle compliquait ma phrase alors beaucoup là, trop. Alors là, on est non, mais c'est dans une enfin, en fait, j'ai rien à dire de plus que sur tout ce qui s'est passé avant. C'est une énième conséquence de la politique folle d'immigration et de son corollaire, l'islamisation, en tout cas pour une partie de l'immigration. Bah voilà, ils frappent aux États-Unis, ils ont frappé en France. Mais d'abord, je crois que cette affaire illustre les contradictions du courant immigrationniste à gauche, mais dans une bonne partie de la droite également, qui a favorisé en France, en Europe comme aux États-Unis l'entrée par millions d'immigrés mahométans. Et qui par ailleurs a toujours été en pointe pour les libertés sexuelles, le droit des homosexuels, le droit des femmes à avorter, alors même que les populations qu'elles ont encouragées à entrer étaient les plus rétives à ces évolutions législatives et sociétales, et ce qui illustre en quelque manière cette affaire de Orlando. Il me semble que dans cette affaire, on essaye de nous embrigader en quelque sorte dans un choix qui serait soit l'homosexualisme, soit l'islamisme. Et moi, je vais dire que le spectacle d'une gay pride, je ne trouve pas ça autant affreux que triste, en fait. Et que je pense que la meilleure réponse est de les aimer. Et c'est, je pense qu'on me demande, en tout cas, faire. On doit obliger le vice à se cacher. Il faut obliger le vice à se cacher. Il faut détester le péché, mais aimer les pécheurs. Mais... Oui, on a du mal à le voir, hein. Pardon. Jérôme, laissez parler Charlotte. Allez-y. Voilà, et d'autre part, sur la question de... Et en tout cas, ça n'excusera jamais, et je ne relativiserai jamais le massacre de 50 personnes en disant « mais une gay pride reste abominable ». Ça ne justifiera jamais de tuer les gens ce qu'ils sont, c'est pas ce qu'ils sont, parce que c'est pas une identité, mais bon, bref, pour leur orientation sexuelle. Et quand bien même seraient-ils les plus acharnés des militants LGBT, en revanche, là où je suis assez d'accord, c'est sur cette... Et je pense qu'en plus, c'est une erreur dramatique dans le signal qui est envoyé aux islamistes, c'est de la même manière qu'au moment du massacre de Charlie Hebdo, on a fait de la France Charlie, on a obligé les gens à être Charlie, c'est-à-dire à être un journal qui insultait ce que les musulmans avaient de plus sacré, quoi qu'on pense par ailleurs de ça. Dans un pays où il est interdit d'avoir une critique raisonnée de l'islam et des textes, on avait le droit par contre d'insulter ce que les gens de plus sacré, et moi je trouve ça ni drôle ni respectueux. Et de la même manière, on nous demande aujourd'hui d'être LGBT. Je ne suis ni Charlie ni LGBT. En revanche, et là je pèserai pas mes mots, je trouve ça abominable d'aller tuer des gens, et c'est en tout point condamnable, quel que soit par ailleurs ce qu'on peut penser de LGBT ou de Charlie Hebdo. Mais vous êtes fondamentalement d'accord. La question est de savoir si défendre nous devons mettre l'Occident sous le drapeau LGBT. Mais ça, bien sûr que non. Non seulement la Tour Eiffel, mais il y a même des églises, notamment l'église d'Orléans, de manière scandaleuse. Non, alors ça c'est un fake, parce que je vient d'Orléans. Mm-hmm. J'ai été extrêmement choquée de voir la cathédrale d'Orléans aux couleurs LGBT. Donc, j'ai appelé la mairie d'Orléans et l'évêché d'Orléans. Et c'est un montage Photoshop. Jamais les couleurs LGBT n'ont été projetées sur la cathédrale d'Orléans. Vous êtes certaine de l'information? Absolument certaine. Parce qu'elle est parue sur différents forums. Sur France 3, qui a reconnu derrière que c'était voilà un montage Photoshop. Une bonne chose que nous avons fait ici, sur Radio Courtoisie, c'est de rétablir une information. Voilà. Parce que en dehors des dissertations qui sont fort intéressantes. Enfin, ne soyez pas fâchés, Charlotte, vous avez raison. Non, en tout cas, cette affaire va augmenter la propagande homosexualiste dans les écoles, dans les médias. C'est vrai. Ça va être absolument effrayant. Ça, moi, c'est ce que je vois immédiatement. De même que. Vous avez besoin de ça. Hein. Non, mais ils vont renforcer encore. C'est évident, le matraquage, toute critique. D'ailleurs, vous avez vu, certains en profitent, notamment des Verts, pour attaquer les partisans, les opposants au mariage homosexuel en disant qu'ils étaient moralement responsables, non pas directement, mais moralement responsables de la tuerie de Orlando. Et donc. On voit très bien que déjà la liberté sur cette question est très limitée, puisque vous savez que depuis 2004, il existe en France un délit dit d'homophobie qui empêche de s'exprimer librement, au point tel que Christine Boutin, par exemple, a été condamnée à plusieurs milliers d'euros d'amende, simplement pour avoir dit, je cite, reprenant cela des propos tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, que l'homosexualité, je cite, est une abomination. Eh bien, elle a été condamnée, je crois, à 3 000 ou 5 000 euros d'amende, plus de dommages et intérêts à SOS homophobie, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, si la Bible ne datait pas de plusieurs siècles, et même de plusieurs millénaires, eh bien, je pense qu'elle serait interdite aujourd'hui, brûlée, puisque il y a des propos qui seraient considérés pour certains antisémites et pour d'autres homophobes, entre guillemets. Voilà. Et donc, ce qui en dit long quand même sur la dégénérescence du monde dans lequel nous vivons. Donc, moi, ce que je vois, c'est quand même que les conséquences vont être encore une réduction des libertés sur cette question et un matraquage dès le plus jeune âge dans les écoles, dans les médias, pour quand même, là encore, je cite, puisqu'on ne peut rien dire, mais je cite quand même ce que le catéchisme nous impédit de s'enseigner comme un péché qui crie vengeance devant Dieu. Voilà. Ça, c'est le catéchisme Saint-Pédis qui le dit. Hein. Je ferme les guillemets. Hein. Après, à bon entendeur, non, salut. Vous savez, le catéchisme de Jean-Paul II parle toujours d'actes objectivement désordonnés. Donc, je ne pense pas qu'il y ait le moindre... comment dirais-je? C'est pour ça que je pense que vous êtes vraiment très d'accord. Hein. Parce qu'il n'y a pas la moindre ambiguïté là-dessus. Et en même temps, il n'y a pas non plus la moindre ambiguïté sur le fait qu'il y a une campagne d'opinion extrêmement désagréable de l'homosexualisme mais, politique. Mais le fait de s'opposer à cette campagne, et je pense n'avoir pas grand-chose à prouver là-dessus, oui, sur mon opposition à cette campagne de matraquage, effectivement, est une chose. Et quand on me fait réagir sur Orlando, j'ai pas forcément l'idée de sortir ça en premier. Orlando, c'est d'abord le massacre de 50 personnes qui est injustifiable, point. Après, les conséquences politiques, ça va ajouter de l'eau au moulin, très bien, mais ce moulin, on l'a déjà dénoncé, on n'a pas besoin en fait de relativiser, je sais pas, j'ai l'impression d'un relativisme. Et du coup, en fait, quand un verre dit « bah oui, vous êtes responsable moralement », bah de dire « oui, c'est affreux, 50 personnes qui meurent, mais... » du coup, est-ce qu'on lui donne pas un peu raison? En très raccourci, je suis pas en train de dire que je ne vous tiens responsable de rien, soyons très très clairs. Je ne vous tiens responsable de rien. Moi, ça, je vais vous dire, ça m'a touché en plein cœur, quoi. Quand on me dit à moi, on me nie le droit d'être triste parce que 50 personnes et d'être simplement triste. C'est la seule réaction que j'avais le soir même. C'était pas de craindre comment ça allait pouvoir être instrumentalisé. Et de la même manière que le meurtre de cette jeune députée qui est. On y viendra tout à l'heure. Ne mangez pas mon pain. Mais c'est la même histoire, je veux dire. On peut condamner absolument un meurtre et être par ailleurs, personne ne me fera dire demain parce que 50 personnes sont mortes que le mariage homosexuel est une bonne chose. Ça, c'est très clair aussi. Enfin, ces lieux devraient être interdits, ces lieux de débauche devraient être interdits. Dans un État chrétien, c'est inimaginable, même civilisé, tout simplement. Pourquoi pas leur donner la force ou l'envie d'aller ailleurs? Pourquoi leur interdire, en fait? Je comprends pas. Non, mais le vice doit être caché, quoi. Je veux dire, il faut obliger le vice à être... On peut pas empêcher le vice, ça, je suis bien d'accord. Mais je veux dire, il faut quand même l'obliger à être caché ou être discret, en tout cas. Or, à l'heure actuelle, il y a un étalage... Ou alors les aimer fort pour qu'ils aient envie d'autre chose. Oui, enfin, ça, c'est un peu... Bon... Tout cela est vrai. Bon, alors, j'ai un mélange illisible de félicitations et d'engueulades, alors je vais pas les lire. Puisque c'est moi illisible. Qui me fais engueuler, évidemment. Non, pas toujours. Si. Pas toujours. Les deux. Pardon, je suis vraiment désolé, mais alors, je devrais vous poser une question parce que je ne peux pas parler. On va passer aux affirmations de Patrick Calvar, qui est directeur de la DGSI, qui parle du risque de guerre civile devant la commission d'enquête parlementaire sur les affaires du 13 novembre. Il en tire argument, pardon, pour surveiller et bloquer les groupes d'ultra-droite qui, censément, préparent cette guerre civile et en profiteraient. Alors, allez-y, je vous écoute. Et je vais tousser tranquillement. D'abord, ça n'est pas une première, puisqu'on sait déjà que Manuel Valls, d'abord comme ministre de l'Intérieur, puis comme Premier ministre, a montré, déjà dans l'affaire Dieudonné, et puis en dissolvant plusieurs groupes dits d'extrême droite, comme les Jeunesses Nationalistes, l'Œuvre Française, groupe qui, je précise, n'était ni de près ni de loin impliqué dans l'affaire Clément Méric, hein, ce jeune gauchiste qui a été tué à l'issue d'une rixe, en l'occurrence, on voit très bien qu'il y a une volonté de... Alors s'il y a quelqu'un qui justement veut créer une guerre civile, c'est bien Manuel Valls, puisqu'il a fait, y compris lors des régionales, lors des deux tours contre le Front National, mais et il le fait évidemment contre ce qu'il appelle l'ultra-droite ou l'extrême-droite. D'abord, il ne faut quand même pas oublier que... Manuel Valls, il est fondamentalement un républicain espagnol, hein, un antifasciste. C'est lui, c'est pas simplement tactique, il y a une dimension évidemment stratégique et tactique, mais je pense qu'il y a vraiment une conviction de fond, c'est vraiment quelqu'un de profondément haineux, il le porte sur lui d'ailleurs, et tout ce que la gauche peut avoir de pire, le côté sectaire, robespierriste, arrogant, détestant ses adversaires, les démonisant, les diabolisant, leur interdisant droit de cité en quelque sorte. Mais c'est quand même triste de voir ce. Oui, j'avais envie de dire. C'est triste de voir ce français de fraîche date en quelque sorte. Bon, alors que comme disait Le Pen, moi, je suis français depuis 1000 ans, lui il est français depuis 30 ans. Bon, eh bien, c'est quand même assez fâcheux d'être gouverné par ces gens-là. Ça en dit long également de la décadence de la France. Bon, mais quoi qu'il en soit, donc oui, je pense qu'il y a une volonté certainement de la gauche d'agir dans ce sens, parce que le principal levier électoral de la gauche, ça, pour se maintenir au pouvoir, c'est l'antifascisme. Hein. Et ça, ils l'ont toujours fait. Même Jospin, d'ailleurs, avait reconnu qu'avec le Front National, même à l'époque de Jean-Marie Le Pen, il n'y avait pas de risque fasciste en France, mais qu'au fond, ça avait été une façon pour la gauche de diviser la droite et d'obtenir une forme de magistère moral et de majorité relative par rapport à des droites éclatées, atomisées, décomposées, se haïssant les unes les autres. Et par conséquent, ce jeu machiavélique dont Mitterrand a été un architecte ô combien machiavélique et talentueux, eh bien, d'une certaine façon, il se continue. On ne voit pas a priori comment, compte tenu des intentions de vote dont bénéficie François Hollande et le discrédit qu'il a dans l'opinion, comment il pourrait être élu, a priori. Mais là, on n'est pas sur l'élection. La question est de cette annonce de guerre civile. Alors, Charlotte, est-ce que vous pensez que... C'est pas le premier qui parle de guerre civile, il y a un autre, il y a un gendarme... Ça revient régulièrement, oui. Et c'est quelque chose, évidemment, quand on le disait il y a 10 ans, pourtant, mathématiquement, c'est vrai que les conditions d'une guerre civile montent peu à peu, ça mijote. Vous y croyez, vous, à l'imminence de cela? Et quel est l'intérêt des gens des services secrets de dire cela, pour vous? Non, mais vous l'avez dit, l'intérêt c'est de pouvoir cibler l'ultra-droite ou même en général, c'est de pouvoir accentuer la surveillance et le zèle politique sur les opposants, quels qu'ils soient. Je suis désolée, ça me fait pas. Quand l'état d'urgence a été proclamé, évidemment toutes les perquisitions, les premières ont été faites chez des barbus. Alors tout le monde a applaudi des deux mains en disant enfin ils prennent les choses en main. Il n'empêche qu'il y avait aucune limite, qu'on a dit vous allez perquisitionner partout, et que 2 semaines après, quand on a été perquisitionné 3 identitaires par-ci et par-là, alors les gens commençaient à pleurer. Mais en fait la logique est imparable, et il se trouve que c'est en permanence, à chaque fois qu'il y a des qu'on surfe sur les peurs, hein, pour reprendre les mots dont on accuse l'extrême droite depuis des années, à chaque fois qu'on le fait, c'est pour accentuer un peu plus la mainmise de l'État sur les individus, et que ce soit... Alors là, évidemment, ils ciblent l'ultra-droite, c'est logique, c'est leurs ennemis, enfin leurs opposants les plus inquiétants, peut-être, je sais pas, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'il y a une espèce de volonté policière de contrôle, c'est inquiétant, quel que soit l'ennemi affiché, en fait, parce qu'on sera toujours un jour l'extrémiste du gouvernement en place, quoi. Alors, on change complètement de sujet, parce qu'on va venir au Brexit, parce que c'est quand même imminent. Le Brexit, c'est demain, ou c'est jamais, ou c'est la prochaine fois. Et le Brexit est l'argumentation de peur, qui est la seule argumentation des opposants au Brexit, et qui se focalisait sur l'économie. Traditionnellement, le Brexit va provoquer... la fuite des capitaux, l'incendie de la City, la récession, je sais pas. Un blocage de 10 ans, nous a dit David Cameron. Et puis, il y a eu, je dirais, c'est, D'un point de vue politique, cette divine surprise, il n'y a pas d'autre mot. Je vois bien que d'un point de vue moral, c'est horrible, mais qui est l'assassinat de cette parlementaire britannique, Jo Cox, qui est vraiment une... qui paraît, du moins, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dans les... Une femme exemplaire, c'est-à-dire qu'elle vient d'un milieu modeste, elle a fait d'excellentes études, elle a bien travaillé, elle a un mari charmant, des enfants, c'est quelqu'un de bien, elle a des vraies convictions, et paf, elle est assassinée par un type qui n'a rien pour lui, qui est une espèce de fou vraisemblablement, enfin on n'en sait pas grand-chose, mais qui dit les bonnes paroles en même temps. Donc on a l'impression vraiment du scénario le mieux fait par un agent secret qui voudrait faire capoter le Brexit. Il est évident que cette affaire rappelle quand même étrangement ce qui s'était passé en Suède en 2003, où la ministre des Affaires étrangères, Anna Lindh, de l'époque, trois jours avant le scrutin, sur l'introduction ou non de l'euro en Suède, eh bien, avait été assassinée dans des conditions relativement analogues. Et il est évident que les médias surfent sur l'émotion populaire pour, en quelque manière, essayer d'inverser les choses. Et alors, ça n'avait pas marché en Suède en 2003, puisque les Suédois avaient refusé à la majorité l'introduction de l'euro. Mais moi, ça m'a rappelé une affaire plus ancienne qui, là, elle, pour le coup, a été très efficace. Il ne s'agissait pas d'un assassinat, mais il s'agissait d'une manœuvre détestable de François Mitterrand, qui, alors que tous les sondages en 1992, quelques jours avant le référendum, un référendum très important sur Maastricht, où il était question un peu de la fin ou non de la souveraineté de la France, a mis sur le devant de la scène sa prostate, puis dans une deuxième étape, son cancer de la prostate, pour créer chez les prostatiques, les cancéreux et un certain nombre de leurs proches une sorte de sympathie naturelle. Et finalement, ça a fonctionné. Hein, ça a fonctionné. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle à l'époque, c'est pourquoi d'ailleurs, déjà, dès cette époque, j'ai eu quelques doutes sur la démocratie et je suis devenu relativement peu philanthrope, quand j'ai vu que même des gens de droite, même très à droite, me disaient que finalement, et ils l'ont fait, hein, j'en connais, je n'exagère pas, eh bien, ont changé leur vote, certains espérant même aux naïvetés, aux bêtises insondables des gens, hein, la politique, ça donne une idée de l'infini au niveau de la bêtise, eh bien, étaient convaincus, je reste assis encore quand j'ai réfléchi, étaient convaincus que si Louis l'emportait au référendum sur Maastricht, Mitterrand était en mauvaise santé, malade, démissionnerait immédiatement. Bon, ce qui évidemment il n'a pas fait, puisque je dirais même que c'est le seul président depuis l'instauration du suffrage universel à avoir fait deux septennats entiers. Bon, eh bien, on a su par la suite que ce cancer, dont on ne faisait croire qu'il venait de l'avoir, il l'avait depuis 1981, qu'il avait obligé son médecin personnel, le docteur Gubler, à faire de faux communiqués semestriels sur sa santé, à un point tel que, j'en termine, le docteur Gubler, peu après sa mort, a fait un livre, Le Grand Secret, qui d'ailleurs a été interdit de manière scandaleuse au départ et qui révélait cette supercherie. Et absolument, je dois... Jérôme. Mais justement, vous parliez de l'affaire suédoise. Est-ce qu'on a déterminé par une enquête que l'assassinat était un montage ou pas ? Parce que on peut toujours présupposer qu'il y a un complot, etc. Mais après, il faut le prouver. Non, mais disons que, comme dit souvent le président Le Pen, lorsque la nuit vous vous trouvez sous un arbre et qu'il en tombe des pommes, il y a de fortes chances que ce soit un pommier. Eh bien, je pense que c'est comme dans l'affaire de Rolando. Moi, je n'exclus pas une provocation, parce que il est évident que on voit très bien qu'il y a une volonté chez un certain nombre de groupes de vrai dans le sens du choc des civilisations. Et Je n'exclus pas. Il n'est pas interdit de se poser des questions. On n'est pas non plus tombé de la dernière pluie. Et quand on sait que la politique, c'est un jeu de manipulation, quand on voit par exemple les guerres au Proche-Orient depuis 15 ans, c'est que ce ne sont que des jeux de manipulation. Et donc, il me paraît en l'occurrence que, en tout cas, objectivement, c'est du pain béni pour les partisans, ça c'est subjectif, oui, pour les partisans du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Il ne pouvait pas rêver meilleur scénario. D'ailleurs, François Bayrou a fait un tweet où justement il mettait en cause le nationalisme en disant que le fanatisme nationaliste, on sait où ça a mené, etc. On connaît ce genre de discours et que par conséquent, eh bien, en fait, l'Europe était en quelque sorte une protection contre ces pulsions nationalistes ou tribales. Et alors même que on sait très bien que l'Union européenne, depuis plus d'un demi-siècle, n'a cessé de détruire notre agriculture, nos industries, nos services. Là, c'est plus le sujet. Charlotte. Alors sur la sur la question du complotisme, est-ce que oui ou non ces attentats sont organisés par tel ou tel? Peut-être, j'en sais rien, honnêtement, je suis pas capable de le dire. Mais je crois personne n'est capable de le dire. On peut poser la question en comme revanche, le fait Jérôme. En revanche, l'alternative, ou en tout cas l'objection que je poserais à cette question, c'est de dire, il se trouve que des gens qui sont prêts à tuer, il y en a évidemment, qui sont tués après pour des sujets pareils, il y en a évidemment, et qu'ils n'allaient pas tuer Jo Cox ou cette ministre suédoise au moment où elles n'étaient pas connues, au moment où le débat n'était pas sur la table. Donc il est évident que si quelqu'un a envie de tuer au moment du Brexit parce qu'il n'en peut plus, parce que machin, c'est à ce moment-là qu'il va le faire. Donc quelques jours avant le Brexit, ça me paraît logique. Donc d'un côté comme de l'autre. Moi, je dirais qu'il n'y a aucun avantage pour quelqu'un qui serait contre le Brexit à tuer. Non, mais ces gens-là sont fous. Ah ben, ils ne calculent pas leurs avantages. Ce n'est pas un militant, c'est un fou. Oui, mais les fous peuvent être militants. On râle suffisamment quand on nous parle de déséquilibré toute la journée pour ne pas reconnaître qu'un déséquilibré peut être un militant aussi. Peut-être que certains militantistes prennent fou. En l'occurrence, c'est ce que je pense, notamment pour la question de l'État islamique. Bah, on nous parle sans cesse de déséquilibrés qui vont trancher la gorge en criant à la Akbar. Moi, je ne crois pas du tout que ce sont déséquilibrés. Ce sont des jeunes hommes de foi. Je pense que l'islamisme déséquilibre pas mal un homme, quand même. Donc, de fait, il faut être déséquilibré pour aller tuer des gens gratuitement comme ça qu'on ne connaît pas dans la rue, je crois. Mais en revanche, la source... En tout cas, je ne demande pas à l'homme politique de se battre contre le déséquilibre. Il est évident qu'il y a une cause à ce déséquilibre, mais qui peut être vrai aussi pour d'autres personnes que les islamistes. Donc bon, voilà, après, la question, honnêtement, de est-ce que ces assassinats sont organisés ou pas, je n'en sais rien. Il se trouve que, de fait, la récupération qui est derrière, elle, est objective et factuelle, et que c'est... Bon, alors, on n'a personne qui nous a dit clairement que tout le monde allait mourir si le Brexit était voté, mais bon, on en est quasiment là. Moi, n'ayant pas des connaissances économiques très, très précises, je pourrais pas. J'ai juste l'impression qu'en fait, la Grande-Bretagne a toujours quand même eu un pied dans l'Union européenne, l'autre pied dehors. Donc, qu'on nous fasse des scénarios cataclysmiques à partir de la Grande-Bretagne qui sortirait de l'Union européenne précisément, alors que sur la question économique, elle est quand même toujours restée indépendante, ça me fait un peu rire déjà, d'extérieur. Hein. Et deuxième chose, entendre tous ces partisans, tous ces gens qui sont aux commandes depuis des années et qui nous plongent dans un désarroi aussi bien moral, spirituel que technique, politique, financier, tout ce que vous voulez, nous expliquer que ça va être l'horreur, j'ai quand même un peu envie de rire. Je trouve la propagande anti-Brexit tellement grotesque et énorme que j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, que la vérité doit pas être là, quoi. En tout cas, depuis cette affaire, les bourses ont remonté. Les sondages en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne ont également remonté. Et bien malin, maintenant, qui peut faire un pronostic. Mais je crains que la tyrannie de l'émotion, le chantage qui a été fait dans ce sens-là, les médias sont maîtres dans cette affaire-là. Parce qu'il faut bien comprendre que les démocraties modernes, dont on parlait tout à l'heure, fonctionnent essentiellement sur la peur. On sait que la peur, c'est le moteur de l'histoire, que c'est un élément essentiel chez l'homme. Et il m'apparaît que, contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'est pas sur la raison que fonctionnent les démocraties modernes, surtout très médiatisées comme elles le sont, mais davantage sur les passions et sur la peur. On l'a vu notamment lors de la quinzaine de la haine en 2002 contre Jean-Marie Le Pen, où là vraiment c'est sur la peur du fascisme, des heures les plus sombres, etc., que les gens finalement se sont exprimés massivement pour un candidat qui était pourtant décrié Jacques Chirac. Un point tel d'ailleurs, j'en connais, qu'il y a des gens qui avaient voté Jean-Marie Le Pen au premier tour, qui ont voté Jacques Chirac au deuxième tour, tellement ils étaient effrayés par finalement les prévisions terribles qu'on faisait. Eh bien, il y a des gens qui ont voté Le Pen. Ah oui. J'en connais qui ont voté Le Pen au premier tour et Chirac au deuxième tour. Ça c'est rigolo. Moi ça m'étonne pas. Et donc il faut bien avoir conscience que, et c'est de ce point de vue-là, le rôle, on ne le dira jamais assez, des médias audiovisuels est absolument considérable et peut évidemment inverser le courant d'une élection. Mais je dois dire que, par exemple, je reviens à un mot sur Maastricht, puisque moi j'avais été très actif dans cette campagne à l'époque, et je dois dire que j'en avais été fort marri, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Maastricht, ça a quand même été le début, avec Schengen 2 ans plus tôt, de la destruction, pas en prépant de tous nos attributs de souveraineté, parce qu'après on a eu en quelque manière Nice, Amsterdam, Nice, Lisbonne, et finalement c'était vraiment le moment où il fallait dire non. Et je suis convaincu, comme le disait à l'époque à juste titre le professeur Martinez, que si la France avait dit non à l'époque, qui était quand même la principale puissance politique et économique avec l'Allemagne, un des 6 membres fondateurs de la CE, bon ben c'était fini pour une génération. Je ne dis pas, compte tenu des projets euromondialistes, que ça ne serait pas revenu sur le tapis à un moment ou à un autre, mais on gagnait 20 ou 30 ans, c'est évident. Absolument. Hein. C'est évident. Et donc c'était vraiment un désastre, surtout qu'en plus il s'agissait quand même de renoncer à notre monnaie, alors que depuis Jean de Lebon en 1360 on avait le franc comme monnaie, et que nous étions le seul pays au monde dont la monnaie portait le nom et dont le nom était une vertu, franc qui veut dire libre, mais que par ailleurs au-delà de la souveraineté monétaire, c'était l'ensemble de toute nos souverainetés qui était mise en question. Et je dois dire que cet artifice présidentiel assez scandaleux de mettre sa prostate en quelque sorte sur la table au dernier idées. Moment a été particulièrement odieuse. Si, bon, voilà. D'accord. Il est 20h30. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. C'est le libre journal de les libertés surveillées avec Martin Pelletier. Et en deuxième partie, je reçois donc le Club de la presse avec Jérôme Bourbon et Charlotte Dornelas. On va rester en Grande-Bretagne avec M. Sadiq Khan, ce sympathique maire de Londres, musulman, qui nous était présenté comme non seulement comme un modéré, mais plutôt comme un non-pratiquant agnostique d'origine musulmane, et qui, en 2 semaines, montre son vrai visage. Est-ce que vous avez noté qu'il, quand dans ces meetings qu'il mène dans le nord de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, met les femmes qui sont voilées au dernier rang, ça c'est amusant. Et puis il a également condamné une publicité dans les transports en commun londoniens, de publicité de dames en maillot de bain. Alors est-ce que ça vous inspire quelque chose, Charlotte? Sur ce modéré. C'est pas non, moi ce qui m'a plus fait rire, enfin rire très jaune, mais pendant toute la campagne, c'est que alors tous ceux qui nous expliquent qu'on est tous les mêmes, on est tous pareils, et que ce candidat à la municipalité de Londres n'a été que musulman pendant toute la campagne, c'était exceptionnel. Donc on l'a fait élire parce qu'il était musulman, alors qu'on est tous les mêmes hein, par ailleurs, mais de la même manière que Barack Obama, il fallait l'élire parce que c'était le premier noir président des États-Unis, ou Hillary Clinton, la première femme, pareil. Donc déjà, il y a quand même une contradiction de fait. Résultat, on ne sait pas très bien qui est cet homme, outre le fait qu'il soit musulman. Alors modéré ou pas, je ne sais pas, moi j'avais pas entendu ce qu'il était précisément. Après qu'ils mettent les femmes au dernier rang, ça prouve qu'il est, en tout cas, il appartient à une communauté. Après qu'il soit pratiquant ou pas, j'en sais rien. C'est effectivement, de toute façon, en islam, la place des femmes est plus que, infime. Enfin, bon, bref. En tout cas, voilà. Elle ne saurait l'être. Et en revanche, bon, sur la question de condamner les photos, les publicités de femmes en maillot de bain sur les bus dans Londres, il faut voir comment il l'a condamné. C'est pas forcément absurde. Ça a été très très bien fait. Justement, ce qui était intéressant, c'est l'utilisation de la rhétorique féministe pour faire passer quelque chose qui est communautaire. Mais placarder des femmes en 4x3. Voilà, exactement. Moi, là-dessus, ça va plutôt dans le bon sens. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas pour l'impudeur ni pour la pornographie, mais tout de même, une demoiselle en bikini n'est pas forcément très impudique. Non, je ne dis pas ça. Première chose. Et deuxièmement, quand on dit, parce qu'il faut voir comment il a présenté la chose, il a dit que ça pouvait être rendre les d'autres femmes qui regardent honteuses de leur corps, parce que c'était une image irréaliste. C'est pas complètement faux. Non, mais c'est la critique. On peut se laisser prendre à toutes les bien sûr, mais c'est aussi la. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, je sais pas, j'ai pas vu comment il a présenté la chose, j'ai pas vu les publicités non plus. Il se trouve qu'une femme en maillot de bain peut être parfaitement regardable sans provoquer un attroupement dans le métro. Et de la même manière, ça peut être parfaitement indécent et ne pas avoir sa place dans le métro. J'ai pas vu en fait ce qu'il a dit ni la publicité en elle-même, donc c'est difficile de vous dire ce que j'en pense dans le fond. En revanche, son argumentaire de dire oui, présenter des femmes parfaites en permanence, ça provoque des dépressions chez les adolescentes qui n'ont pas ce corps parfait. C'est aussi la critique qui a été faite au monde de la mode qui présente toujours des femmes complètement squelettiques. C'est aussi ce qui a été reproché dans les publicités à tous ces. Il y a jamais une femme qui n'est pas d'abord photoshopée pendant 4 heures avant d'apparaître sur des affiches. La critique n'est pas idiote. C'est toute la publicité après, que vous condamnez. Mais la question n'est pas tellement là. La question de savoir si dans cette de rhétorique à deux balles, il ne cherche pas exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire qu'on lui trouve des excuses alors que son intention est tout à fait différente. Mais moi, je ne sonde pas les reins et les cœurs. C'est comme ça qu'on se soumet peu à peu. Enfin, en tous les cas, moi, dans cette affaire, il me semble que l'impudicité occidentale atteint un tel niveau que certains musulmans nous fassent réfléchir justement à ce que les chrétiens ont abdiqué, sur le plan des valeurs morales et familiales. Ça n'a pas que des inconvénients. Ce serait au moins l'un des rares avantages, malgré tous les inconvénients énormes de l'islam, c'est que ça peut permettre de faire réfléchir à un certain nombre de valeurs morales et familiales et de morale naturelle qu'on a complètement abandonnées, ouais, ce serait dans l'Occident. Ça, je dirais que de ce point de vue-là, si on y réfléchit un peu, et notamment à l'abomination de la laïcité et tout ça. J'ajoute quand même juste un mot sur la tuerie de Rolando, parce que je voulais quand même précis, c'est que je rappelle quand même que Sodome et Gomorre, Dieu l'a détruit quand même. Bon, mais et que, Dieu, hein, oui, Dieu, je suis d'accord. Bon, laissons faire Dieu. Et que le salaire de la mort, c'est le péché. Que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il fait lancer la bête aussi. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Faut pas l'oublier. Et ce que je veux dire, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que en laissant trop aller, disons, les choses les plus abominables, je ne sais pas ce qu'on peut provoquer, quoi. Je veux dire, donc, il faut aussi raison garder. Je crois que les pouvoirs publics devraient favoriser la morale, même si on sait qu'on est tous pécheurs, on est d'accord, tous imparfaits. Mais il me paraît quand même qu'il y a un ordre public, un ordre moral. Respecter, me semble-t-il. Je suis pas sûre qu'il se fasse respecter par des tueries. C'est juste ça. J'ai pas dit que j'approuve. Mais je sais bien. Mais voilà. Bon, alors, je vois que vous avez un sens de la polémique très fort. Alors, je vais faire quelque chose. On va repasser des choses plus douces. Est-ce que vous avez noté que dans le cadre des Jeux Olympiques, parce que c'est quand même ça avance, hein, c'est bientôt, c'est le 5 août, ça commence. Comment ça s'appelle le consortium Unicode qui régit un peu l'écriture sur Internet, qui est constitué des grosses boîtes comme Microsoft ou bien Apple ou bien Facebook, etc. Et puis de deux ou trois trucs comme par exemple le ministère des Affaires religieuses de l'Omirat d'Oman, je ne sais pas pourquoi. Ce consortium vient d'éliminer de la liste des nouveaux emojis un emoji. Vous savez ce que c'est que des emojis ? Oui, les petits dessins, là. Les petits dessins. Il y a les émoticônes, proprement dit, qui font les petits sourires ou les petits pleurs. Et puis le reste, et tout ça, c'est les emojis. D'accord. Et vous savez combien il y en a d'emojis ? Ah bah des millions, non ? Je sais pas. Ah, non, il y en a d'autorisés, je parle. Je sais pas. 1824. D'accord. Mais voilà. Et c'est la pensée de demain. C'est la pensée idéogrammatique. Vous n'aurez que des idéogrammes partout. On s'exprimera par émoji. Hein. Et donc, il y avait 72 émojis qui devaient être publiés là, par le consortium Unicode. Et puis, ils en ont supprimé un. Parce que dans le cadre des Jeux Olympiques, ils avaient mis un joueur de handball, il y avait un gant de boxe, trois médailles et un fusil pour le tir. Et le fusil a été interdit. Parce que le fusil peut donner de mauvaises... C'est bien quand même. Ça prouve que le système est quand même bien clos. Et cette décision a été prise sur la recommandation conjointe d'Apple, Google et Microsoft. Ça veut dire quand même que c'est trois... C'est eux qui font la morale sur le net. Hein. C'est pas nouveau. Hein. Oui, c'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus fort. Ah oui, bien sûr. Et puis un peu aussi l'Émirat d'Oman, quand même. Mais surtout le truc religieux de l'Émirat d'Oman, ça c'est assez fantastique. Oui, c'est pas mal. Hein. Faut creuser ça. Ce qu'il faut dire, c'est que... J'ai trouvé ça ce matin. Ce qu'il faut dire, en revanche, c'est que Microsoft et les géants du web américain, YouTube, Microsoft, Twitter, ont signé, à la demande de la Commission européenne, une charte qui prévoit d'être... infiniment plus répressif s'agissant sur les réseaux sociaux des messages jugés, je cite, antisémites, homophobes, racistes, incitant à la haine, etc. Bon, et donc il faut savoir que c'est la LICRA, SOS Racisme, et toutes ces associations qui sont des professionnels de la délation, qui sont donc chargés, qui sont donc financés pour cela d'ailleurs. Des professionnels de la délation, on ne peut pas dire ça comme ça, on doit dire des professionnels de la... De l'est, ils estent en justice pour, voilà, pour dénoncer... Non mais qui vont aller traquer, qui vont aller traquer les internautes. D'ailleurs je suis étonné que ce soit les mêmes qui nous disent toujours que c'était horrible, et on en est d'accord sur le fait que des Français écrivaient à la commandante Tour des lettres de dénonciation, on est d'accord que la méthode est odieuse, mais finalement sont les mêmes qui dénoncent ça, qui finalement, je veux dire, promeuvent la délation, de la même manière que ce sont les mêmes qui défendent toujours Galilée, qui sont contre l'Inquisition, alors même que l'Inquisition permettait que Galilée, à titre d'hypothèse, pût défendre sa théorie, eh bien... Ah non, je vois ce que vous allez vouloir dire. Hein. Je fais attention. Eh bien, je termine. Que là, il y a une loi sur le blasphème s'agissant d'un certain sujet. Bon, voilà. Bon, et donc je n'en dirai pas plus. Bon, ou d'ailleurs, au départ, il fallait... une contestation explicite, et maintenant même le doute, des points d'interrogation, du conditionnel... Pas de points d'interrogation. On est quand même condamné. Bon, voilà. Donc c'est vous dire que, alors même que les violences contre les biens et les personnes n'ont jamais été aussi importantes, il y a une barbarie ordinaire de plus en plus forte, en retour à la barbarie des mœurs et des comportements, et bien en revanche, la liberté de penser, de s'exprimer, ne cesse de se réduire, y compris la dimension polémique et pamphlétaire. Et moi je m'honore avec vous, cher Martin Pelletier, et que donc, on essaie de défendre cette tradition polémique et pamphlétaire, qui est une tradition très française, somme toute, et qui a eu ses lettres de noblesse. Mais il est vrai qu'avec les lois mémorielles, toutes les lois liberticides que nous subissons, c'est beaucoup plus difficile. Et je pense que s'il y a aussi beaucoup moins de talent, c'est aussi précisément parce qu'on a moins de liberté, et que même sur le plan intellectuel, cela participe d'une dégénérescence tout à fait déplorable. Alors, il est 20h41, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée avec Martin Pelletier, Charlotte Dornelas et Jérôme Bourbon. J'ai quelques petits messages. Ben voilà, vous cherchiez des compliments tout à l'heure, Charlotte. En voilà, soutenir Charlotte Dornelas qui prend position avec clarté et courage et n'a donc pas besoin de violence. C'est beau comme l'antique. Vous moquez pas. Mais je me crois. Merci. Moque. Pas du tout. Que pensez-vous de la décision de Valérie Pécresse de subventionner la Gay Pride ? Allez-y. Non. Elle ne prend pas la décision de subventionner la Gay Pride. Je vous dis les... Oui, non mais... Comme disait Philippe Tesson, le journaliste s'est posé des questions bêtes à des gens intelligents pour qu'ils répondent intelligemment. Voilà. Alors, elle ne... Alors, je ne sais plus, du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Enfin, elle ne décide pas de subventionner la Gay Pride, elle continue à la subventionner. Notons quand même qu'elle a retiré 10 000 euros à la subvention, mais le fait est qu'elle continue à la subventionner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, personnellement, je ne trouve pas que c'est une bonne nouvelle. C'est là qu'on voit que la droite, tout ce qui en tient lieu, reste sous la dépendance intellectuelle, morale de la gauche. Il n'y a rien à faire. Quoi. Et non seulement la droite, mais même le Front National, puisque rappelez-vous, lorsque Marion Maréchal a été la seule à dire à juste titre lors de sa campagne en PACA que si elle était élue présidente de la région, elle supprimerait les subventions au planning familial, elle n'a pas du tout été soutenue dans son mouvement, ni par sa présidente, ni par le numéro 2 omniprésent médiatiquement, Florian Philippot, qui au contraire, eux, ont dit, il est dit explicitement à plusieurs reprises, que lui était favorable au maintien de cette subvention. Il faut dire que le 1er mai, une proche de Philippot, Sophie Montel, avait dit, je cite, que le Front National, tel qu'il est aujourd'hui, eh bien, était favorable à la sanctuarisation de la contraception et à l'avortement libre, à la liberté pour la femme de disposer de son corps. Fermons les guillemets. Je pense que si vous voulez, le gros problème de la droite, c'est ce que Yves-Marie Adeline, dans un livre très intéressant, avait développé, ce qu'il appelait le principe du cliquet, qui fait que lorsque la gauche a voté une loi qui détruit ou qui révolutionne la famille, la société, la morale, eh bien, une fois qu'elle est votée, promulguée, appliquée, lorsque la droite ou ce qui en tient lieu revient au pouvoir, eh bien, cette loi n'est jamais abrogée. Et on pourrait donner des exemples multiples. Ça a été vrai pour le Pax, que Sarkozy d'ailleurs a aggravé lorsqu'il était président. Ça a été vrai pour la loi Guesso, que la droite parlementaire a appliquée avec ô combien de férocité lorsqu'elle était au pouvoir. D'ailleurs, le premier en emprisonné pour la loi Guesso, les deux emprisonnés d'ailleurs, c'était sous des gouvernements de droite, le directeur de Révision puis Vincent Renoir, bon, c'est sous des gouvernements dits de droite, et il en va ainsi dans tous les domaines finalement. Et c'est la raison pour laquelle il était là si illusoire de croire à une révolution près des urnes, que la solution viendra des urnes. Mon expérience politique depuis maintenant une trentaine d'années me montre, et pas simplement en France d'ailleurs, et dans les autres pays d'Europe également. Alors, justement, c'était la question, vous me donnez la transition. Oui. La prochaine question, c'était, en Italie précisément, tout de même, là il y a des élections, vous me direz que ce ne sont que des municipales, mais Rome a été remportée par Virgilia Raggi, qui est quand même membre du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, puis il y a d'autres villes qui ont été remportées, et grâce souvent à l'alliance, le mouvement 5 étoiles, on peut en discuter pendant 3 ans, mais grâce à l'alliance avec la Ligue du Nord. Donc ça, c'est quand même un mouvement vers la droite. J'aimerais avoir vos deux opinions là-dessus. Mais il y a partout en Europe, il y a un mouvement vers la droite, ou en tout cas aboutir dans la représentation, parlementaire, je sais pas comment dire, mais électorale. Pardon, de la droite. Ça, c'est évident que du côté populaire, et on parle suffisamment... Ah oui, mais Rome, c'est pas rien. Rome, c'est pas aussi grand que Londres, mais c'est quand même une réponse, justement, à l'élection de Sadiq Khan. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, effectivement, la gauche joue sur l'antifascisme depuis des années en Italie pour s'imposer. Toujours, mais là, ça ne semble plus fonctionner. Maire de Paris... qui était l'équivalent de Virgilia Raggi, on n'aurait pas à se plaindre, il me semble, quand même. Enfin, en tout cas, je constate que le Parlement italien vient de voter de manière définitive une loi antirévisionniste qui punit jusqu'à 6 ans de prison ferme. Mais parce qu'il serre les boulons la violation du dogme. Et je ne crois qu'il n'y a quasiment pas de vote contre. Enfin, il y a eu des abstentions. Enfin, c'est passé très largement. Donc, vous savez, le courage en politique de nos jours se fait rare. Voilà. J'ajoute que l'expérience des droites, avec Berlusconi, Fini, Bossi, à une époque, n'a pas donné, c'est le moment qu'on puisse dire, les résultats escomptés. Il faut dire que Gianfranco Fini, qui est fini d'ailleurs. L'indique. Voilà, il a réussi à liquider quand même la droite nationale italienne. Et finalement, il s'était dit d'abord post-fasciste, puis antifasciste. Il est allé ramper en Israël à Yad Vashem, etc., comme il convient pour faire carrière, en quelque sorte, donner son grain d'encens à l'idole. Bon, mais j'observe qu'il a renié pan après pan, non seulement son programme, y compris Mussolini, donc on peut constater, même si on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il a pu dire ou faire, que c'est probablement le plus grand homme d'État d'Italie au XXe siècle, je dirais même pas simplement d'Italie. Bon. Mais, donc, de ce point de vue-là, ce n'est qu'un avis et j'ai tendance à le partager, mais ce que je puis dire, en tout cas, c'est que je dois dire que je suis d'un pessimisme assez radical, ce qui d'ailleurs convient souvent à la droite, parce que l'expérience, que ce soit en Italie, ou même ce qu'on avait vu en Autriche avec Georges Haider, qui avait fait un gouvernement de coalition, bien que lui ne fût pas ministre, mais certains ministres FPO à égalité avec ceux du mouvement conservateur dirigé par le chancelier Schüssel, on ne peut pas dire que les résultats soient à la hauteur des espérances. Étaient au rendez-vous. Donc je crois qu'en quelque manière, il ne faut pas se faire trop d'illusions s'agissant des urnes. Parce que le problème, c'est que lorsque... D'accord, mais c'était la réponse à la question. Voilà. Alors, vous, Charlotte, vous voulez savoir quel est votre homme d'État préféré au XXe siècle ? Ouh là là, j'en sais rien. Vous savez pas ? Non, au XXe siècle, franchement, je saurais pas dire. Non, mais je vous dis, moi, c'est un monde qui est désenchanté pour moi, mais alors vraiment dans toutes les grandes lignes et dans tous les détails. Depuis quand ? Depuis Louis XVI ? Depuis très longtemps. Avant, non, déjà non, pas forcément depuis Louis XVI. Moi, j'ai pas forcément une obsession de régime. Hein. C'est pas tellement ça. C'est simplement que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est effectivement au moment de la Révolution, on a assassiné Antigone pour moi. Et donc voilà, c'est un monde dont je n'attends pas grand-chose. Effectivement, en revanche, ici ou là, il peut y avoir quand même des. Alors moi, par contre, je suis pas du tout d'une nature pessimiste. Et donc, je vois de très belles choses partout. Alors effectivement, beaucoup plus dans la société que dans le monde politique. Ça, c'est certain. Complètement désabusé, mais terriblement optimiste. C'est ça la synthèse. Pleine d'espérance, optimiste. D'accord. Le Pen dit qu'il est un pessimiste gay. Ah bah alors. Gay. Je précise. Ne mélangeons pas les torchons. Alors dites-moi, le bac cette année tombe en plein Ramadan. Est-ce que vous croyez qu'ils vont pouvoir tenir le coup? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Mais non, parce que j'ai vu un grand article dans le Figaro ce matin. Oui, mais le Figaro s'en occupe. Mais s'en occupe, et moi, ça m'interpelle. Parce qu'il paraît qu'il y en a qui ont beaucoup de mal à tenir le coup. Évidemment qu'ils ont du mal à tenir le coup. Heureusement qu'il y a la foi. Ils disent on aimerait que... Bah, c'est beau. Oui, c'est beau. On aimerait que les chrétiens fissent le carême comme les musulmans font le ramadan. Parce que ça n'est pas facile. D'ailleurs, le ramadan reprend finalement ce que les premiers chrétiens faisaient à bien des égards. Puisque vous savez que les premiers chrétiens, à Rome notamment, jeûnaient, y compris de nourriture solide et liquide, jusqu'à la fin de l'après-midi, ils se retrouvaient pour chanter non, vêpres, la messe, et après il y avait un repas communautaire le soir, un peu comme font les musulmans. Voilà. Donc de ce point de vue-là, ils ont repris une tradition chrétienne apostolique. Évidemment que c'est difficile pour eux. Moi, au contraire, je dirais que ça prouve plutôt que le ramadan n'est pas très adapté à ce l'homme et au baccalauréat déjà, mais même plus largement. Quoi. L'éducation nationale devrait se réformer. Non, c'est pas ce que je lui demande là. Pas du tout, mais c'est vrai que mais ces articles interminables sur le ramadan, est-ce qu'ils sont fatigués, est-ce qu'ils ont soif, c'est bon quoi. On n'a pas besoin d'en faire des caisses, j'en demande pas du tout autant. Contrairement, il y a des gens qui disent, puisque vous en faites plein sur le ramadan, faites plein d'articles sur le carême, mais laissez-nous vivre surtout. Enfin, je veux dire, retire-toi dans ta chambre, mets-toi du parfum et. Continue à sourire. Matthieu chapitre 5. Voilà. Oh là là, mais alors je vois que j'ai fait affaire à des gens qui connaissent bien leur. Mais en revanche, effectivement, un jeune de lycée qui est capable de dire que c'est très difficile et qu'heureusement qu'il a la foi, oui, je trouve ça beau. Peu importe par ailleurs ce que je peux penser de. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire de Lafarge qui paye ses impôts à Daesh ? Ça vous a pas frappé ? Oui, Lafarge, vous savez, le cimentier français. Oui, tout à fait. Eh bien, il s'est avéré que pour pouvoir travailler là-bas. Ah, là-bas, oui, pas en France. Je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire, tout court. Oui, je me doutais bien que ce n'était pas en France. Il avait payé l'impôt. Continuer à rester sur place. Ce que font tout le monde, même le gouvernement syrien, pourtant dans ses pires ennemis. Qui continue même à payer, le gouvernement syrien, les fonctionnaires dans les zones contrôlées par l'État islamique. Donc, ils payent concrètement des gens de l'État islamique. Mais c'est ça, ou alors l'État perd totalement le contrôle sur ces zones-là, définitivement, en tout cas, le contrôle. Donc, la question se pose, Lafarge, c'est pareil. Est-ce qu'il faut renoncer à tout ce qu'ils ont sur place? Je ne suis pas sûre que même l'impôt que paye Lafarge à l'État islamique soit réellement déterminant et dans l'État islamique, dans ce qu'est l'État islamique, ses causes, ses conséquences. Je m'acharnerai pas sur Lafarge en premier, quoi. Vous acharneriez sur qui en premier ? Sur notamment toutes les grandes puissances qui alimentent plus ou moins directement, ou en tout cas qui ne font rien contre l'État islamique depuis des années et des années. D'accord, ça veut dire. C'est-à-dire tous les pays du monde à peu près. Hein. La France, les États-Unis, même la Russie dans une moindre mesure, certes, mais qui a trouvé ses intérêts aussi à laisser pourrir la situation pendant 4 ans, hein, puisqu'ils sont intervenus et ils ont fait. Les intérêts russes ont servi aussi les intérêts du peuple syrien, ça c'est absolument incontestable. Mais il se trouve que pendant 4 ans, il y a eu surtout des déclarations de la part des Russes et peu d'actions. Et puis tous les pays alentours, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, tout le monde. Donc tout le monde n'a pas le même soutien à l'État islamique, mais il se trouve qu'en tout cas, les meilleurs ont été attentistes sur cette question, largement. Vous partez bientôt en Syrie ? Oui. Pour nous raconter un peu ce que vous avez vu ? Je vous raconterai. Bon, en ce moment, ça va bien, votre bonne nouvelle ? Là-bas ? Oui. Ça dépend où, c'est toujours pareil. Il y a des endroits où ça va bien, où ça va mieux, et il y en a d'autres où ça va mal. Alep souffre toujours le martyr, ça ne change pas. D'accord. Alors, j'avais une question sur les chaussettes d'Hitler, mais il va être tard, il n'y a plus que 2 minutes. Vous avez vu la vente, est-ce que vous vous souvenez de qui était John K. Latimer ? John K. Latimer était un urologue qui a été chargé au procès de Nuremberg d'être le médecin ordinaire des dignitaires nazis. Et comme c'est souvent le cas dans l'armée américaine, il a fait main basse, comme ils font partout, comme ils ont fait en Irak, on ramasse ce qu'on trouve. Il a donc ramassé les chaussettes d'Hitler, les caleçons de Göring, etc. Et ses ayants droit ont fait une vente tout à fait récemment, qui a été dénoncé naturellement par la communauté juive, probablement à juste titre d'ailleurs, où ils ont vendu la dernière veste d'Hitler à 275 000 dollars, justement les caleçons de Göring, pas mal, et puis les chaussettes d'Hitler, 18 000 dollars quand même. C'est quand même amusant de voir qu'un type, un médecin, ramasse comme ça ce qu'il trouve, en profitant de sa position, et que ses petits-enfants vendent, allez hop, ça nous fait quelques centaines de millions de dollars. Ce dont on peut être sûr, c'est que jamais les chaussettes de François Hollande ne vaudront 18 000 euros dans quelques décennies. Quoi. Vous êtes sûr? Il y a des fétichistes. Non. Peut-être les petits-enfants de Julie Gaillard. Il n'y aura pas la même place. Je ne suis pas sûr que les gens qui mettent 18 000 euros dans les chaussettes d'Hitler passent le message qu'Hitler était un homme bien. Il n'aura pas la même place dans l'histoire, en tout cas. Ouais, en même temps, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'envier, cette place. Mais bon. Non, ça, c'est encore autre chose. Monsieur Bourbon, vous qui êtes de droite, n'oubliez pas que votre cœur est à gauche. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, donc aussi de demeures à gauche. Une minute. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va... Si je vois comme ça, on va terminer sur des lectures d'auditeurs. La femme a le droit de disposer de son corps, mais pas du corps du bébé, qui est une autre personne. Ça me semble tout à fait juste. Et puis, Jérôme Bourbon a raison quant à Sodome et Gomorre. Voilà. Eh bien, on va se taire là-dessus. Il est 20h55 bientôt. Vous écoutiez le Libre Journal de la Liberté Surveillée de Martin Pelletier avec ce soir Charlotte Dornelas. Merci d'être venu. Et Jérôme Bourbon, merci d'être là. À bientôt pour la prochaine émission. Bonsoir. Bonsoir. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réalais de la francophonie. Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 22 juin 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 23, dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre gloire.